السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Il nous dit, rahimahullah, d'après Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, qui a dit: j'ai dit au messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'écartera de l'enfer. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: tu as certes demandé au sujet d'une chose immense, et cette chose est certainement facile pour celui à qui Allah ta'ala l'a rendu facile. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, de l'aumône, tu jeûnes le mois du Ramadan et tu accomplis le pèlerinage. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: veux-tu que je t'informe des portes du bien? Le jeûne est une protection. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis il récita la parole d'Allah d'après les sens du verset: et ils s'arrachent de leur lit, invoquent leur Seigneur jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils œuvraient. Surat al-Sajda, verset numéro 16 et 17. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: veux-tu que je t'informe de la tête de l'affaire, sa colonne et la pointe le plus haut de son sommet? La tête de l'affaire est l'islam. Sa colonne est la prière, et la pointe de son sommet est le djihad. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: veux-tu que je t'informe de ce qui encadre, ce qui préserve tout cela? Il saisit sallallahu alayhi wa sallam sa propre langue et dit: garde-toi de cela. J'ai dit: ô messager d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: malheur à toi. Est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou leur nez pour autre chose que le résultat de leur langue? Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: hadith bon, authentique. Ce hadith contient plusieurs masa'il et plusieurs profits. Premièrement, dans la question posée par Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit: informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'écartera de l'enfer. Nous avons dans cela, comme dans le hadith précédent, ce qui nous montre l'engouement et l'envie qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la connaissance du bien et son apprentissage, cela dans le but de le mettre en pratique. Et que leur principal objectif était l'obtention du paradis et le fait d'être préservé du feu. Donc ils se concurrençaient dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, et que dans cela se concurrencent les concurrents. Donc, à l'inverse, quant à celui qui vient te concurrencer dans les œuvres de ce bas monde, alors ne le concurrence pas. فَالتَنَافُسُ يَكُونُ فِي أَعْمَالِ الْآخِرَةِ. Donc la concurrence réelle se fait dans les œuvres de l'au-delà. Ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme nous avons dans cette parole de Mu'adh ibn Jabal, dans la question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui vient réfuter les propos de certains soufis quant au fait qu'ils n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que par amour, bilhub, et non pas dans le but ou par espoir de sa récompense ou par peur de son châtiment. Donc, mais au contraire, donc nous savons de par les textes que le musulman adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, par peur et par espoir. Ces trois choses réunies en même temps, qui sont appelées arkan et ta'abboud, donc les piliers sur lesquels repose l'adoration, que l'on trouve entre autres dans Surat al-Fatiha, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui revient à l'amour, car en arabe, Alhamd ne se fait que par amour, le fait de faire des éloges, par amour et en immensifiant celui pour qui on fait des éloges. Donc Alhamd, Al-Mahabba, l'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui sont deux noms de miséricorde, donc ce qui pousse à Ar-Raja, l'espoir. Maliki Yawmiddin, maître du jour de rétribution, qui pousse à la crainte. Et dans d'autres versets, nous trouvons cela, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit Innahum kanu yusari'una fil khayrat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashirin. En parlant de certains de ses prophètes et messagers, certes, ils se concurrençaient, ils accouraient au bien et nous invoquaient avec peur, avec effroi et espoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur fait des éloges par le fait qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec peur et espoir et amour. Et nous avons aussi dans cela une preuve qui nous montre que les œuvres sont une cause pour l'entrée du paradis. فَالْإِنسَانِ يَعْمَلْ وَهَذِهِ الْأَعْمَالِ أَسْبَابْ لِدُخُولِهِ فِي الْجَنَّةِ. Donc la personne œuvre et ses œuvres sont une cause pour qu'il puisse entrer au paradis. Et cela n'est pas un échange, mais ce sont des causes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Aucun d'entre vous n'entrera au paradis de par ses œuvres, c'est-à-dire en échange de ses œuvres. Fa al-a'mal asbab. Donc les œuvres sont une cause pour que la personne entre au paradis. Comme Allah nous dit d'après l'essence du verset, Fa amma man a'ta wa attaqa. Et quant à celui qui donne et qui fait preuve de piété, alors nous lui accorderons le chemin de la facilité. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, tu as certes demandé au sujet d'une chose immense, et cette chose est certainement facile pour celui à qui Allah Ta'ala l'a rendu facile. Nous avons dans cela ce qui montre l'importance pour le musulman de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala constamment dans l'accomplissement de ce qui lui est demandé. Et quant au fait de demander constamment de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait et ce qu'il entreprend. Car comme il a été rapporté, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est dans l'invocation Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, ou Allah, il n'y a rien de facile si ce n'est ce que tu as rendu facile. Donc la personne demande aide à Allah subhanahu wa ta'ala et par cela, elle est raffermie et elle est renforcée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire à chaque unité de prière, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons aide. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté la parole de certains salafs qui ont dit, Man arada an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah. Quiconque souhaite être le plus fort des gens, qu'il place sa confiance en Allah. Et comme nous savons, le tawakkul réunit les causes et le fait de remettre son cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala seul. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu accomplis le pèlerinage. Nous avons dans cela, dans cette partie, l'importance du tawhid. Tu adores Allah sans rien lui associer. Le tawhid sans lequel aucune œuvre n'est acceptée et sans lequel la personne ne peut entrer dans l'islam. L'importance de la prière, qui est la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le Yawm al-Qiyamah. Si jamais il réussit, alors tout ce qu'il y a après sera réussi. L'importance de la zaka, qui est qarinatu salah fil Qur'an, donc l'associé de la prière dans le Qur'an, et qui est une des preuves de la véracité de son auteur. L'importance du jeûne et du pèlerinage, qui sont les cinq piliers de l'islam, donc par lesquels ou pour lesquels il est obligatoire et impératif pour tout musulman de commencer et d'y donner une importance capitale dans leur apprentissage et dans leur mise en pratique. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamu salah wa ita'u zaka wa sawmu ramadan wa hajjul bayt. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je t'informe des portes du bien? Le jeûne est une protection, as-sawmu junna, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu, et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Nous avons dans cela certains mérites, des adorations citées par le messager sallallahu alayhi wa sallam ici, qu'il a appelé sallallahu alayhi wa sallam abwaabul khayr, porte du bien. Le jeûne, as-sawm, qu'il a décrit sallallahu alayhi wa sallam ici comme étant junnah, une protection. C'est-à-dire qu'il est une protection pour le serviteur dans ce bas monde contre l'accomplissement des péchés et dans l'au-delà contre l'entrée en enfer. Fahuwa junnah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah écarte son visage du feu d'une distance de 70 ans. Fasawmu junnah. Donc le jeûne est une protection. La sadaqa, l'aumône. Donc, qui est, comme l'a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en plus du fait d'expier les péchés, c'est une cause de kafara, est aussi une burhan, comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa sadaqatu burhanun. Elle est une preuve, c'est-à-dire une preuve de la foi de son auteur. Car l'argent est une chose qui est aimée, donc de chaque personne. Donc le fait que la personne dépense cet argent-là, fi sabilillah, ne peut se faire que pour une chose qu'elle a aimée plus que cet argent-là. Donc c'est une chose qui montre la véracité de la foi qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Salatul layl, la prière de la nuit, qui est appelée da'bu salihin, donc l'acte qui est l'acte dont les pieux ont l'habitude d'accomplir. Salatul layl, qui est aussi donc la meilleure des prières surrogatoires après les prières ar-rawatib, qui sont les prières attachées aux prières obligatoires. Salatul layl. Una Salatul Rajuli fi jawfil layl, donc la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la tête de l'affaire est l'islam, sa colonne est la prière et la pointe de son sommet est le djihad. Nous avons aussi l'importance de l'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, donc encore une fois l'importance du tawhid, son obéissance subhanahu wa ta'ala et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. L'islam, ainsi que la prière qui a encore une fois été citée, qui a des mérites qui sont indénombrables, cités dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela, le fait qu'elle soit l'adoration qui a été légiférée directement par Allah subhanahu wa ta'ala envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire. Hada fi laylati al-isra wal-mi'raj, donc la nuit de l'ascension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré as-salat directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc un des points qui nous montre l'importance et le haut rang que la prière a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cité, elle est la première des choses pour laquelle sera questionné le serviteur yawm al-qiyamah après le tawhid. Wa kama qala ta'ala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière empêche la turpitude et le blâmable. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah est encore plus grand. Et nous avons aussi l'importance et le mérite du djihad, donc le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe donc djihadun nafs, le combat de l'âme, cela pour la soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le combat de shaitan, le combat des allées de shaitan parmi les hypocrites, parmi les mécréants, que cela soit bisayf wa sinan, que cela soit par l'épée ou par la langue avec la science. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et combattre par celui-ci, par le Coran, d'un grand jihad. Fal-jihad yakunu bil-lisan, se fait par la langue, par science, et se fait par as-sayf. Wa al-jihad yakunu kadhalika bin-nafs, se fait aussi par le nafs, le fait de combattre son nafs. Et comme il a été cité par Ibn Qayyim rahimahullah, la personne ne pourra avoir le dessus sur son ennemi externe, son ennemi extérieur, qu'après avoir eu le dessus sur son ennemi intérieur, qui est son nefs. Donc la personne accourt premièrement à combattre son nefs. Comment? En la forçant à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses interdits. Puis, nous avons pour finir dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, avant de saisir sa langue sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je t'informe de ce qui encadre tout cela? Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi, est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou leur nez pour autre que le résultat de leur langue? Nous avons dans cela la gravité de la langue et l'immense impact qu'elle peut avoir sur le serviteur, que cela soit en bien ou en mal. Et donc de cela l'obligation de la préserver, de faire les causes qui vont l'éloigner, de mener la personne à la perdition. Cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, parmi cela, sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut » Que quiconque croit en Allah et au jour dernier, dise du bien ou se taise. Il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam « Certes, le serviteur prononce des paroles qui provoquent la colère d'Allah, dans certaines versions, sans s'y prêter attention. Et il tombe par cela en enfer d'une distance plus longue que ce qui se trouve entre le Mashriq et le Maghrib. Et à l'inverse, il se fait que le serviteur dise des paroles qui font partie de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par cela il obtient des hauts degrés au paradis. Donc la personne fait un effort et combat son âme pour préserver sa langue, car comme il a été cité, El mar'u bi asrarayhi, la personne est considérée par asrarayhi, asrarayhi qui sont son cœur et sa langue, qui sont son cœur et sa langue. هذا والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يتوب علينا جميعا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئها فإنه لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته